Section 19 de Les Anciens Canadiens. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Pierre Aubry de Gaspé, lu par Sandra, près de Montréal, 2021. Notes et éclaircissement. Chapitre 1er. Ah, tous les bateliers de la pointe de Lévis étant aussi cultivateurs, il y a quelque 60 ans, ce n'était pas une petite affaire que de traverser le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à Québec pendant les travaux agricoles, hormis les jours de marché où le trajet avait lieu à certaines heures fixes. Le voyageur était obligé d'attendre quelquefois pendant des demi-journées et même de coucher souvent à la pointe Lévis. Les bateliers, généralement assez bourrus de leur métier, ne se dérangeaient de leur besogne que pour leur pratique, qu'ils refusaient d'ailleurs souvent de traverser pour peu qu'ils eussent d'autres affaires. Il faut pourtant avouer que les femmes suppliaient de temps à autre à leur mari. Quand les cajolant un peu, elles finissaient par prendre le voyageur en pitié et laissaient leur ménage aux soins des dieux l'art pour prendre l'aviron. Il est aussi juste de leur rendre ce témoignage qu'une fois l'aviron en main, elles guidaient des petits canots d'alors avec autant d'habileté que leurs époux. À défaut des Canadiens restaient, pendant la belle saison de l'été, la ressource des sauvages, dont les cabanes couvraient près de 2000 des grèves, depuis l'église de la Pointe-Lévis en courant au sud-ouest. Mais ces messieurs n'étaient guère tempérants. Ils avaient, pour principe bien arrêté, de boire à la santé de leur bon père, le roi Georges III, jusqu'à la dernière nippe des cadeaux qu'ils recevaient du gouvernement. Ce sentiment était sans doute très louable, mais peu goûté des voyageurs, à la vue de leurs frêles canots d'écorce de bouleau, guidés par des hommes à moitié ivres. Ceci me rappelle une petite anecdote qui peint assez bien les mœurs de cette époque. C'était un dimanche, jour de gaieté pour toute la population sans exception de culte. Les auberges étaient ouvertes à tout venant, et les sauvages, malgré les lois prohibitives à leur égard, avaient bu dans le courant de la matinée plus de long rhum que le rail, lait. Je n'ai jamais pu résoudre pourquoi ces sauvages substituaient la lettre L à la lettre R dans rhum et la lettre R à la lettre L dans lait, ainsi que la lettre B à la lettre F dans frère. Ils disaient le plus souvent « mon père » au lieu de « mon frère ». Je laisse le soin de décider cette importante question à ceux qui sont versés dans la connaissance des idiomes indiens. C'était donc un dimanche. Plusieurs jeunes gens, et j'étais du nombre, libérés des entraves de leur bureau, devaient se réunir l'après-midi à la basse ville pour aller dîner à la pointe de Lévis. Mais lorsque j'arrivais au débarcadère avec un de mes amis, la bande joyeuse avait traversé le fleuve dans une chaloupe que le hasard leur avait procurée. C'était prudent à eux par le vent épouvantable qu'ils faisaient. Le premier objet qui attira nos regards fut 4 sauvages à demi-ivres qui quittaient le rivage dans une de leurs frêles embarcations. Ils étaient à peine à un arpent de distance que voilà le canot renversé. Nous les vîmes aussitôt reparaître sur l'eau, nageant comme des castors, vers la grève où les attendaient une 20aine de leurs amis qui leur tendaient des avirons pour leur aider à remonter sur un petit quai à fleur d'eau, d'où ils étaient partis quelques minutes avant leur immersion. Nous fûmes ensuite témoins à un plaisant spectacle. L'eau de vie avait sans doute attendri le cœur de ces philosophes naturels, toujours si froids, si sérieux, car les hommes et les femmes se jetèrent en pleurant, sanglotant, hurlant dans les bras des naufragés qui, de leur côté, pleuraient, sanglotaient, hurlaient et se furent des étreintes sans fin. L'aventure de ces 4 sauvages aurait dû nous donner un avis salutaire du danger auquel nous serions exposés en traversant le fleuve par le temps qu'il faisait. mais nous étions déterminés à aller rejoindre nos amis, et rien ne nous arrêta. Le fleuve Saint-Laurent était aussi notre ami d'enfance. Nous avions déjà failli nous y noyer deux ou trois fois dans nos exploits aquatiques. Il ne pouvait nous être hostile dans cette circonstance. Nous décidâmes néanmoins, malgré ce beau raisonnement, qu'il serait toujours plus prudent de n'employer qu'un sauvage sobre pour nous traverser. C'était, il faut l'avouer, rara avis in terra. Mais en bien cherchant, nous aperçûmes à une petite distance un jeune montagnier d'une rare beauté, d'une haute stature, élancé comme une flèche, qui, les bras croisés, regardait la scène qui se passait devant lui d'un air stoïque où perçait le mépris. Nous avions enfin trouvé l'homme que nous cherchions. « Veux-tu nous traverser, mon frère ?» lui dis-je. « Le français, » fit l'Indien, « toujours grouille, pas bon. » Grand ventre. Mon ami l'assura que nous étions des jeunes Français très posés, très experts dans les canaux d'écorce, et qu'ils gagneraient un chélin. Comme preuve de ce qu'il disait, il s'empara aussitôt d'un aveyron. Le montagnier le regardait d'un air de mépris, lui ôta assez rudement l'aveyron des mains et nous dit « Viens ». Il fit ensuite un signe à une toute jeune femme qui nous parut d'abord peu disposée à risquer la traversée. Elle nous regardait en effet d'un air assez malveillant pendant la discussion, mais à un signe impératif de son mari, elle prit un aviron et s'agenouilla en avant du canot. L'Indien fit asseoir les deux Français au milieu de l'embarcation et s'assit lui-même, malgré nos remonstrances, sur la pince du canot. Nous étions à peine au quart de la traversée que je m'aperçus qu'il était ivre. Ses beaux yeux noirs, de brillants qu'ils étaient à notre départ, étaient devenus ternes, et la pâleur habituelle aux sauvages pendant l'ivresse se répandit sur tous ses traits. Je fis part de cette découverte à mon ami afin d'être préparé à tout événement. Nous convîmes que le plus prudent pour nous était de continuer notre route, que quand bien même le montagnier consentirait à retourner, cette manœuvre nous exposerait à un danger imminent. Toutefois, nous eûmes la précaution d'ôter nos souliers. Je puis affirmer que nous volions sur l'eau comme des goélands. La femme coupait les vagues avec une adresse admirable, tandis que son mari, nageant tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche, en se balançant pour conserver l'équilibre, poussait le léger canot d'écorce avec un bras d'Hercule. Nos amis, qui, assis sur le rivage de la pointe Lévis, nous voyaient venir, sans se douter que nous étions dans la barque, nous dire ensuite qu'il distinguait souvent le dessous de notre canot dans toute sa longueur, comme si nous eussions volé au-dessus des vagues. Ô jeunesse imprudente, l'ami d'enfance, l'ami de cœur dont j'ai parlé plus haut, c'était docteur Pierre de Sales Laterrière, alors étudiant en médecine et frère de l'honorable Pascal de Sales Laterrière, membre du conseil législatif. Il m'a abandonné, comme tant d'autres, sur le chemin de la vie, il y a déjà près de 25 ans. 10 ans à peu près avant cette aventure, et c'était encore un dimanche pendant l'été, la ville de Québec offrait un spectacle qui paraît très bien étrange de nos jours. Il est vrai de dire qu'il s'est écoulé bien près de 3/4 siècle depuis cette époque, car alors j'étais tout au plus âgé de 9 ans. Vers 1 heure de relevée, un grand nombre de sauvages, traversés de la pointe Lévis, commencèrent à parcourir les rues par groupes assez imposants pour inspirer quelque inquiétude au commandant de la garnison, qui fit doubler les gardes aux portes de la ville et des casernes. Il n'y avait pourtant rien de bien hostile dans leur aspect. Les hommes, à la vérité, n'avaient pour tout vêtement que leurs chemises et leurs braillets, pour toute arme que leur tomahawk, dont ils ne se séparaient jamais. Quelques chevelures humaines accrochées à la ceinture des vieux Indiens attestaient même qu'ils avaient pris une part assez active à la dernière guerre de l'Angleterre contre les Américains. C'était bien de vrais aborigènes que ceux que j'ai connus pendant ma jeunesse. Leur air farouche, leur visage peint en noir et en rouge, leur corps tatoué, le crâne rasé à l'exception d'une touffe de cheveux qu'ils laissaient croître au-dessus de la tête pour braver leurs ennemis, leurs oreilles découpées en branches comme nos croque-signoles canadiens, et dont quelques-uns de ces sauvages ne possédaient plus que quelques lambeaux pendant sur leurs épaules, tandis que d'autres, plus heureux, les avaient conservés intacts et en secouaient d'un air fier les branches chargées d'anneaux d'argent de 4 pouces de diamètre, échappés à leurs rixes fréquentes pendant l'ivresse. C'étaient bien, dis-je, de vrais Indiens, et tout attestait en eux le guerrier barbare et féroce, prêt à boire le sang dans le crâne d'un ennemi, ou à lui faire subir les tortures les plus cruelles. Je n'ai jamais su pourquoi ils se réunirent en si grand nombre ce dimanche-là dans la ville de Québec. Avaient-ils reçu leur présent la veille ou était-ce un jour de fête particulière à leur nation? Toujours est-il que je n'en ai jamais vu, ni auparavant ni depuis, un si grand nombre dans l'enceinte des murs de la cité. Une particularité aussi remarquable était l'absence de leurs femmes ce jour-là. Les Indiens, après avoir parcouru les principales rues de la ville par groupe de 30 à 40 guerriers, après avoir dansé devant les maisons des principaux citoyens, qui leur jetaient des pièces de monnaie par les fenêtres, soit pour les récompenser de leur belle aubade, soit peut-être aussi pour s'en débarrasser, finirent par se réunir sur le marché de la haute ville, à la sortie des vêpres de la cathédrale. C'est là que je les vis, au nombre de 400 à 500 guerriers, chanter et danser cette danse terrible qui a nom la guerre parmi tous les sauvages de l'Amérique du Nord. Il était facile de comprendre leur pantomime. Ils nous parurent d'abord tenir un conseil de guerre, puis après quelques courtes harangues de leurs guerriers, ils suivirent à la file leur grand chef en imitant avec leur tomahawk l'action de l'aviron qui bat l'eau en cadence. Ils tournèrent longtemps en cercle en chantant un air monotone et sinistre. C'était le départ en canot pour l'expédition projetée. Le refrain de cette chanson, dont j'ai encore souvenance, pour l'avoir souvent chantée en dansant la guerre avec les gamins de Québec, était sauf correction quant à l'orthographe. Sarantes, Sarantes, Sarantes, Onia Kérin, Wachi Chikono Wache. Enfin, à un signal de leur chef, tout rentra dans le silence, et ils parurent consulter l'horizon en flairant l'air à plusieurs reprises. Ils avaient, suivant leur expression, senti le voisinage de l'ennemi. Après avoir parcouru l'arène pendant quelques minutes en rampant à plat ventre comme des couleuvres et en avançant avec beaucoup de précautions, le principal chef poussa un hurlement épouvantable auquel les autres firent chorus, et se précipitant dans la foule des spectateurs en brandissant son casse-tête, il saisit un jeune homme à l'air épité, le jeta sur son épaule, rentra dans le cercle que fermèrent aussitôt ses compagnons, l'étendit le visage contre terre, et lui posant le genou sur les reins, il fit mine de lui lever la chevelure. Le retournant ensuite brusquement, il parut lui ouvrir la poitrine avec son tomahawk et en recueillir du sang avec sa main, qu'il porta à sa bouche, comme il eût voulu s'en abreuver en poussant des hurlements féroces. Les spectateurs éloignés crurent pendant un instant que la scène avait tourné au tragique, quand l'Indien, sautant sur ses pieds, poussa un cri de triomphe en agitant au-dessus de sa tête une vraie chevelure humaine teinte de vermillon qu'il avait tirée adroitement de sa ceinture, tandis que les assistants, les plus rapprochés du théâtre où se jouait le drame, s'écrièrent en riant aux éclats « Sauve-toi, mon petit pitre, Pierre! » Les canoas vont t'écorcher comme une anguille. » Le petit pitre ne se le fit pas dire deux voix. Il s'élança parmi la foule qui lui livrait passage et prit sa course à toutes jambes le long de la rue de la fabrique, aux acclamations joyeuses du peuple qui criait « Sauve-toi, mon petit pitre !» Les sauvages, après avoir dansé pendant longtemps en poussant des cris de joie qui nous semblaient être les hurlements d'autant de démons que Satan, d'humeur accostable, avait déchaîné ce jour-là, finirent par se disperser et sur la brune, la ville retomba dans son calme habituel. Ceux des aborigènes qui n'étaient pas trop ivres retournèrent à la pointe Lévis, tandis que ceux qui avaient succombé dans le long combat qu'ils avaient livré au long rhum dormirent paisiblement sur le sein de leur seconde mère, la terre, dans tous les coins disponibles de la haute et de la basse ville de Québec. 2 ans après la scène burlesque que je viens de peindre, je fus témoin d'un spectacle sanglant qui impressionna cruellement toute la cité de Québec. Le théâtre était le même, mais les acteurs, au lieu d'être les peaux rouges, étaient des visages pâles. Il s'agissait de David McLean, condamné à mort pour haute trahison. Le gouvernement, peu confiant dans la loyauté dont les Canadiens français avaient fait preuve pendant la guerre de 1775, voulut frapper le peuple de stupeur par les apprêts du supplice. On entendit dès le matin le bruit des pièces d'artillerie que l'on transportait sur la place de l'exécution en dehors de la porte Saint-Jean, et de forts détachements de soldats armés parcoururent les rues. C'était bien une parodie du supplice de l'infortuné Louis XVI, fait en pure perte. J'ai vu conduire McLean sur la place de l'exécution. Il était assis, le dos tourné au cheval, sur une terraine dont les lys grinçaient sur la terre et les cailloux. Une hache et un billot étaient sur le devant de la voiture. Il regardait les spectateurs d'un air calme et assuré, mais sans fourfanterie. C'était un homme d'une haute stature et d'une beauté remarquable. J'entendais les femmes du peuple s'écrier en déplorant son sort. Ah, si c'était comme du temps passé, ce bel homme ne mourrait pas. Il ne manquerait pas de filles qui consentiraient à l'épouser pour lui sauver la vie. Et plusieurs jours même après le supplice, elles tenaient le même langage. Cette croyance répandue alors parmi le bas-peuple venait, je suppose, de ce que les prisonniers français, condamnés au bûcher par les sauvages, avaient dû la vie à les femmes indiennes qui les avaient épousées. La sentence de McLean ne fut pourtant pas exécutée dans toute son horreur. J'ai tout vu, de mes yeux vu. Un grand écolier, nommé Boudreau, me soulevait de temps à autre dans ses bras, afin que je ne perdisse rien de cette dégoûtante boucherie. Le vieux docteur Duvert était près de nous, il tira sa montre, aussitôt que Ward le bourreau renversa l'échelle sur laquelle McLean, la corde au cou et attaché au haut de la potence, était étendu sur le dos. Le corps, lancé de côté par cette brusque action, frappa un des poteaux de la potence et demeura ensuite stationnaire, après quelques faibles oscillations. « Il est bien mort, » dit le docteur Duvert, lorsque le bourreau coupa la corde à l'expiration de 25 minutes. « Il est bien mort, il ne sentira pas toutes les cruautés qu'on va lui faire maintenant. » Chacun était sous l'impression que la sentence allait être exécutée dans toute sa rigueur, que la victime éventrée vivante verrait brûler ses entrailles. Mais non. Le malheureux était bien mort quand Ward lui ouvrit le ventre, en tira le cœur et les entrailles qu'il brûla sur un réchaud et qu'il lui coupa la tête pour la montrer toute sanglante au peuple. Les spectateurs les plus près de la potence rapportèrent que le bourreau refusa de passer outre après la pendaison, alléguant qu'il était bourreau mais qu'il n'était pas bouché, et que ce ne fut qu'un grand renfort de Guinée que le shérif réussit à lui faire exécuter toute la sentence, qu'à chaque nouvel acte de ce drame sanglant, il devenait de plus en plus exigeant. Toujours est-il que le sieur Ward devint après cela un personnage très important. Il ne sortait dans les rues qu'en bas de soie, coiffé d'un chapeau tricorne et l'épée du côté. 2 montres, l'une dans le gousset de sa culotte et l'autre pendue à son cou, avec une chaîne d'argent, complétait sa toilette. Je ne puis m'empêcher, en me séparant de cet exécuteur des autres œuvres, de rapporter un fait dont je n'ai jamais pu me rendre compte. À mon arrivée à Québec vers l'âge de 9 ans, pour aller à l'école, on semblait regretter un bon bourreau, nommé Bob. C'était un nègre dont tout le monde faisait des éloges. Cet Éthiopien aurait dû inspirer l'horreur qu'on éprouve pour les gens de son métier. Mais tout au contraire, Bob entrait dans les maisons comme les autres citoyens, jouissait d'un caractère d'honnêteté à toute épreuve, faisait des commissions et tout le monde l'aimait. Il y avait, autant que je puis me souvenir, quelque chose de bien touchant dans l'histoire de Bob. Il était victime de la fatalité qui l'avait fait exécuteur des autres œuvres à son corps défendant. Il versait des larmes quand il s'acquittait de sa cruelle besogne. Je ne sais pourquoi ma mémoire, si tenace pour tout ce que j'ai vu et entendu pendant ma plus tendre enfance, me fait défaut quand il s'agit d'expliquer la cause de cette sympathie dont Bob était l'objet. Mais je reviens à McLean. Un spectacle semblable ne pouvait manquer d'impressionner vivement un enfant de mon âge. Aussi ai-je beaucoup réfléchi sur le sort de cet homme qu'une partie de la population considérait comme ayant été sacrifié à la politique du jour. J'ai fait bien des recherches pour m'assurer de son plus ou moins de culpabilité. Je pourrais dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais je me tairai. Qu'il me suffise d'ajouter que si maintenant un Yankee vantard proclamait à tout venant qu'avec 500 hommes de bonne volonté, armés de bâtons durcis au feu, il se ferait fort de prendre la ville de Québec, les jeunes gens s'empresseraient autour de lui « to honor him » pour l'encourager à parler, lui ferait boire du champagne et en rirait aux éclats sans que le gouvernement songeât à l'éventrer. On a prétendu que McLean était un émissaire du gouvernement français. J'en crois rien pour ma part. La République française, aux prises avec toutes les puissances de l'Europe, avait alors trop de besogne sur les bras pour s'occuper d'une petite colonie contenant quelques millions d'arpents de neige, suivant une expression peu flatteuse pour nous. La politique de nos autorités à cette époque était soupçonneuse et pourtant cruelle. On croyait avoir partout des émissaires du gouvernement français. Deux Canadiens furent alors expulsés du pays. Leur crime était d'avoir été à la Martinique, je crois, dans un navire américain, pour terminer quelques affaires de commerce. On leur fit la grâce d'emmener avec eux leurs femmes et leurs enfants. Fin de la section 19.